Allez, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qui peut nous faire un bref rappel sur les deux premières règles qu'on a vues jusqu'à présent? La première. La première, c'était que les mécréants ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient, il savait que le prophète sallam c'était le créateur, celui qui a accordé que le prophète c'était le créateur, celui qui accordait la subsistance, qui donnait la vie et qui donnait la mort, et qui gérait en fait tout. Mais cette croyance, elle n'aura pas été suffisante, elle les a pas fait rentrer. Voilà, ça ne les a pas fait rentrer pour autant dans la religion de l'islam. Ça fait, demain, il se peut que tu rencontres quelqu'un, et Abou al-Qabr, hein, il se prosterne devant une tombe, ou il fait des vœux pour l'habitant de cette tombe, ou il sacrifie pour cette tombe. Il va dire comment. Tu dis que je suis un mushrik, alors que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée, c'est lui le créateur, c'est lui qui est le pourvoyeur du risque, de la subsistance et autres. Comme c'est le cas de la plupart des soufis. Tu leur réponds avec cette qaïda, avec cette règle, que le fait de reconnaître le tawhid al-rububiyya ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Et au contraire, celui qui se contente que du tawhid al-rububiyya, alors il est certes sur ce sur quoi étaient les mushrikoun al-awwal. Il est resté sur la croyance des premiers associateurs. Bon, ce qu'on dit, cette parole-là, c'est d'un sens global. Sinon, dans certains. Il y a eu du shirk hatta fi rububiyya. Hein? Les mushrikoun, ils ont associé à Allah Azzawajal même dans le tawhid al-rububiyya, comme on l'a vu. Mais d'une part, d'un regard global, ils n'ont pas associé à Allah Azzawajal dans ce tawhid. Taïb, la qa'ida al-dalil. ايش الدليل على القاعده هذه؟ قل من يرزقكم من السماوات قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ام من يخرج حيا من الميت ومن يخرج حيا من الميت ومن يدبر الامر فسيقولون الله. احسنت. فقول افلا تتقون. نعم. طيب والقاعده الثانيه لازم وين؟ ها موسى. Oh, tu peux le dire avec tes paroles, yani, ouais, ce que tu sais, de pas adorer directement les idoles, mais en fait, ça s'en veut qu'on s'en bouche d'abord. Aïe, ah, en plus, tu l'as bien formulé. C'est-à-dire que les mushrikoons, ils prétendaient pas que leurs idoles, ce sont elles qui créent, ce sont elles qui donnent le risque, ce sont elles qui donnent la vie et la mort. Non, ça, ils savaient que c'était Allah seul. Mais eux, ils adoraient ces idoles-là. Pourquoi? Pour bénéficier de leur intercession ou pour que ces idoles les rapprochent d'Allah Azza wa Jalla. Et nous, on dit que même ça, c'est du shirk parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué cela comme étant du shirk et du kufr. Le fait qu'ils les utilisent pour se rapprocher d'Allah. Le fait qu'ils utilisent leurs idoles pour se rapprocher d'Allah. Non. C'est du shirk, shirk billahi azza wa jal, mukhriju min al-millah. Et on a vu dans cette qaïda qu'il y a une intercession qui est refusée catégoriquement. Et qu'il y a une intercession qui est confirmée dans le Coran et dans la Sunna. C'est laquelle qui est réfutée Catégoriquement. Pour laquelle on doit avoir une chose à autre qu'Allah, une seule à ne plus. Naam, ahsant. C'est l'intercession qui est recherchée en demandant à autre qu'Allah Azzawajal, dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Et aussi en faveur, c'est-à-dire cette intercession-là, on la veut en faveur d'un mécréant. Ça, c'est formellement réfuté dans le Coran et la Sunna. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder à une créature qu'elle intercède yawm al-qiyamah pour un kafir, pour un mécréant. Et celle qui est acceptée, c'est celle qui est demandée à Allah azzawajal. Donc, c'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde de par sa permission et qui est en faveur d'un monothéiste. Qui est en faveur d'un monothéiste. طيب القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر. Donc le prophète sallam, cette règle dit que le prophète sallam, il est apparu à une époque où les gens étaient divisés dans leur adoration. Certains d'entre eux adoraient les anges, certains autres adoraient les prophètes. Ainsi que les gens pieux. Certains autres adoraient les pierres et les arbres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Ça va? وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. Et le prophète Hassan, il les a combattus tous, autant qu'ils sont. Et il n'a pas fait de distinction entre eux. Ça va? Parce que là, c'est une chouba. يأتي ماذا؟ يأتي الصوفي مثلا الذي يعبد رسول الله. Le soufi, il va venir. Et beaucoup d'entre eux, ils adorent le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils l'adorent. Il va dire, comment tu nous compares à des gens qui adoraient les arbres et les pierres, alors que nous, on adore Rasulullah, hein? Eux, ils pensent que du moment que là, c'est une créature honorable, comme le prophète, sallam, alors c'est moindre que ceux qui adorent les arbres ou les pierres. Là, balhum sawa. Et ça, c'est pas ça. Au contraire, ils sont égaux. C'est des mushrik. Hada mushrik wa hada mushrik. Naam. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qatalahum kulluhum. Jami'an. Naam. طيب قال الشيخ فوزان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد. نعم كما الشيخ الفوزان يقول et ça ça montre la laideur du shirk du point de vue que ces adeptes les adeptes du shirk ils ne sont même pas en accord dans leurs adorations dans leurs idoles. C'est-à-dire lui il va adorer le soleil, l'autre il va adorer la lune, l'autre il va adorer les anges, l'autre il va adorer les arbres, l'autre il va adorer les pierres. Donc ils sont même pas unis sur une seule idée. Contrairement aux mouahidoun, contrairement à ceux qui, aux monothéistes, qui sont tous unis sur le fait d'adorer une seule divinité, qui n'est autre qu'Allah Azzawajal. وهذا طيب قال الله سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها كما في سورة يوسف ها Ça, c'est la parole de Youssouf lorsqu'il a appelé à Allah Azza wa Jal en prison. Il a appelé les deux ces deux codétenus en leur disant est-ce que vous pouvez vous est-ce que vous préférez yani, est-ce que vous trouvez que des seigneurs séparés ou plusieurs seigneurs sont meilleurs que Allah le seul et le dominateur suprême non. Voilà. فمن سلبيات الشرك وأباطله أن أهله متفرقون في عبادتهم لا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضلين نعم فتكثر تفرقاتهم نعم دونك لا الشيخ الفوزان il dit que ça montre vraiment le bâtil du shirk. C'est que ces adeptes, ils sont pas, ils se regroupent pas sur un même et unique règlement. Ça va? Contrairement aux mouahid. Ils ont une même et unique loi, une même et unique divinité. Et ceci à cause du fait qu'ils n'ont pas de base. Ils ne sont pas basés sur quelque chose de solide. Mais au contraire, chacun se base sur sa passion, sur son hawa. Et c'est pour ça qu'en vérité, ils sont énormément divisés. وَقَالَتِ الْيَهُودُ ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب Les juifs ils ont dit les chrétiens ils sont sur rien voilà c'est vrai est-ce que c'est vrai Othman les chrétiens ils sont sur rien ouais bah, de base ils avaient un livre là hein hein ils sont sur quelque chose ils sont sur rien là maintenant Non, non, non, la parole de Yahoud. Ils ont dit, Est-ce que c'est ça? Les chrétiens, ils sont sur rien. Non. Yani, hein? Ben non. Mais en tout cas, je vois qu'ils avaient un livre. Ahsan! Ahsan! C'est des gens du livre. Ah, c'est des gens du livre. Enfin, ça fait partie d'Abat al-Yahoud. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, non, ils ont rien, ils sont Isa là, Mariam Mavi, Yani Kulluma, Kana Thabitan, et Al-Injil, Ankaro. Waqalat al-Nasara, Laysat al-Yahoud ou Al-Ajay. Al-Nasara, ils ont dit, les Yahoud, ils sont sur rien. Non, ils ont rien, rien de hak. La Moussa, ou la Jami al-Anbiya, min Bani. إسحاق عرفتم ما عدا عيسى هذا باطل هذا باطل ça montre qu'ils sont divisés énormément وقال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى je crois qu'ils sont regroupés mais en vérité leurs cœurs sont divisés قال وقال الله سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى دونك الزرافه هذه حشر طيب قال وقال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا. هذه آية عظيمة. ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Donc ça c'est un verset de sourate Zumar, verset 29. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il prend comme exemple un homme qui comment ils ont traduit en français ce verset? Le verset 29. Il n'y a pas un Coran en français. Ah, vous savez pas encore en français. Allah cite comme parabole un homme appartenant à des associés, ce qui relate à son sujet, et un autre homme appartenant à un seul homme. Sont-ils égaux en exemple? Aïe, et ça, c'est un exemple waqi' jiddan sur cette qa'ida. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il dit? Allah a cité en parabole un homme appartenant à plusieurs associés qui se disputent à son sujet. Et de l'autre côté, un homme qui n'appartient qu'à un seul homme. Est-ce qu'ils sont comparables en... en exemple? Est-ce qu'ils sont comparables en exemple, ces deux-là? Ça, c'est pour te montrer la laideur du shirk. Comment eux, ils sont partis à adorer plusieurs, à adorer plusieurs divinités. Alors que, yani, même le aql, avec un simple exemple, tu comprends que c'est celui qui est tout seul et qui a un seul, Seigneur, il est ahsan halan. Il est dans une meilleure situation que les autres. Celui qui est seul, qui possède qu'un seul seigneur, en fait, c'est ça? Ouais, ouais. Au niveau de la parabole, je peux dire. Voilà. L'exemple, parce que c'est pas pareil quand tu parles de ça, c'est qui appartient à un homme. Un, qui est une personne, en fait, qui appartient à plusieurs hommes qui se disputent à son sujet. C'est ça? Ah, non, c'est plusieurs. Un homme. Qui est c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parapatrons, voilà, plusieurs commandants. Mais là, dans la Smartala, ce qu'il veut dire, ça, c'est les divinités, en fait. Ouais, c'est les divinités, c'est voilà. Ça. Voilà, c'est ça, c'est les divinités. طيب قال فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد. الذي يعبده شخص واحد ويرتاح معه. Donc là, Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit donc celui qui adore Allah seul, il est comme l'esclave qui est employé ou qui travaille pour une seule personne. Il est tranquille avec cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il travaille qu'avec une seule personne. Et comme il travaille que pour une personne, donc il connaît cette personne-là. Il sait ce que cette personne elle veut. Il sait ce qu'elle a besoin ou autre. Tamam? Donc ça c'est un exemple. طيب لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين. Donc le mushrik lui il a un exemple de celui de l'esclave qui a beaucoup de seigneurs. كل واحد له رغبة. Chacun d'entre eux il a un désir. كل واحد يريده أن يأتي عنده. Et chacun d'entre eux, il veut que cet esclave, il vienne chez lui. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضى منهم، ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد وهذا يرتاح معه. هذا مثل ضربه الله للمشرك والموحد. Donc là on prend de cet exemple que c'est qui le plus apaisé dans son adoration, le mushrik ou le muwahhid? Le muwahhid. Pourquoi? Parce qu'il adore qu'une seule divinité, tandis que le mushrik, lui, il est dans plusieurs divinités. J'espère. قال فالمشرك فالمشركون متفرقون في عبادتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، قاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس وقاتل جميع المشركين وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين، لم يفرق بينهم. نعم لم يفرق بينهم. Donc le prophète sallam il a combattu tous ces gens-là. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذين يعبدوا الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. Vous avez compris? Donc là, c'est une chouba, c'est une ambiguïté. Ils vont dire, non, ceux qui méritent d'être combattus, ce sont ceux qui adorent les statues, les arbres, les et tout autre. Ça va? Les objets. Mais celui qui adore les anges, ou celui qui adore les prophètes, lui, la baisse. Et ça, c'est une chouba, c'est une ambiguïté qu'ils ont, la secte des. Mais quand ils font quoi avoir du. Parce qu'ils disent que. Comme les juifs et les chrétiens. Dans Inna al-Ladina kafaru min ahli al-kitab. Donc, ils adoraient qui les chrétiens, ils adoraient qui? Ils adoraient Issa. Non. Donc, ça, déjà, c'est un danger contre. Je ne comprends pas. Ouais. Ah voilà. Ouais, pardon. À la colle hal, donc le fait de dire que adorer les Anbiya ou autres, c'est permis. Comme a dit Moussa, il y a énormément de dalil sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu mécréants les gens du livre. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient Isa. D'autres, ils ont adoré Uzair. Wa hakada. طيب قال ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر ولا يعتبر عمله هذا شركا ولا يجوز قتله. Donc eux ils veulent pas en disant que en faisant la différence entre les êtres adorés. Et ils veulent arriver au but de dire que quand tu adores la personne qui est dans la tombe, c'est pas pareil que quand tu adores une statue. Ça n'a pas le même jugement. Là, celui qu'on adore dans la tombe, là, ça c'est pas du shirk. Mais si c'est une statue, ça c'est du shirk. Eux, ils veulent arriver à là. Et c'est pourquoi l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui à son époque était sans cesse en opposition avec Soufiyya. C'est pour ça que la plupart de ses livres, c'est des redoutes à la Ahl al-Tsawwuf, Soufiyya. Donc c'est pourquoi il a évoqué cette quatrième règle. Le fait de ne pas faire de différence dans sur le point de vue des êtres adorés. Du moment qu'ils sont adorés en dehors d'Allah, c'est du shirk. Khalas. Même si c'est un prophète, parmi les meilleurs des prophètes. Même si c'est un ange, parmi les meilleurs des anges. طيب فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينهم بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم والذين يعبدون المسيح والمسيح رسول الله ومع هذا قاتلهم واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم أو من صالحهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Là, Cheikh Al-Fawzan il répond, il dit que le prophète Azam, il n'a pas fait de différence. Il n'a pas fait de différence. Belle, ceux qui ont adoré Isa, le prophète Azam les a combattus. Ceux qui ont adoré Isa, le prophète Azam les a combattus. Fashirk, la tafriq fihi, bena man yabudu rajulan salihan. أو يعبد صنما أو حجرا أو شجرا لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان. Donc le shirk, il n'y a pas de différence en fait par rapport à la chose adorée. Du moment que cette chose là elle est adorée en dehors d'Allah, c'est du shirk. Peu importe c'est quoi la chose qui est adorée. Du moment qu'elle est adorée en dehors d'Allah, c'est du shirk. قال ولهذا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي تعم كل شيء. Ça aussi, ça fait partie des règles qu'on verra prochainement, inshallah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorez Allah et ne lui associe rien. Kalimat shay'a nakira. Le mot shay'a, hein, il est, comment on traduit nakira? Indéfini. Il est indéfini. Il est indéfini fi siyaqin nahy. Dans un contexte de phrase qui vire vers l'interdit. Et ça, c'est une règle. Quand vous voyez un mot indéfini dans un contexte où il y a une interdiction, alors ça veut dire que ce mot englobe tout ce qu'il regroupe, voilà. Tout ce qu'il regroupe. Donc là, quand on dit وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اَيْ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا تمام؟ تَعُمْ كُلُّ مَنْ أُشْرِكَ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ والرسل والصالحين والأولياء والأحجار والأشجار. نعم إن شاء الله نكتفي بهذا وإن شاء الله غدا نكمل هذه القاعدة على بقرة دليل. نكتفي بهذا الفقر.